Et si les kadhafistes revenaient au pouvoir en Libye? La question peut paraître aujourd'hui quelque peu scandaleuse. Et pourtant, face au chaos qui règne en Libye, où deux gouvernements qui s'estiment aussi légitimes l'un que l'autre s'affrontent sur fond de guerre entre les diverses milices islamistes, certains se demandent si telle ne serait pas la solution. D'abord, forcément, les voisins égyptiens, tunisiens ou tchadiens, que le désordre libyen inquiète à juste titre. L'Italie aussi, dont les côtes sont proches. Ensuite, quelques Libyens eux-mêmes qui, sans regretter le bourreau que fut Kadhafi, aspirent au retour de l'ordre et de la paix civile. Et enfin, quelques chancelleries ne sont pas loin de partager ce point de vue, tant il apparaît aujourd'hui qu'en liquidant le dictateur, sans même avoir pensé à la suite, on a ouvert une véritable boîte de Pandore où il sera bien difficile de faire rentrer les diables qui s'en sont échappés. Mais nous n'en sommes pas encore là, même si cette idée progresse en Libye et à l'étranger. Monsieur X continue donc à m'entretenir de la Libye après, la semaine passée, avoir évoqué la mort mystérieuse d'un mercenaire français qui avait sans doute eu le tort d'affirmer trop tôt que parmi les révolutionnaires encensés par Bernard-Henri Lévy et les plus hautes autorités françaises se trouvaient de dangereux islamistes. Il revient à la lumière des derniers événements sur l'évolution récente de ce pays où règne aujourd'hui la plus grande confusion. Ma C'était il y a un mois. Une voiture piégée explose devant l'hôtel Corinthia de Tripoli, un établissement habituellement fréquenté par les diplomates et les politiciens locaux. Des agents de sécurité en faction sont tués. Puis, trois terroristes lourdement armés et bardés de ceintures d'explosifs pénètrent dans les lieux et tirent aussitôt. C'est l'horreur. Finalement, coincés au 24e étage, les assaillants actionnent leurs bombes. Au total, on relèvera 9 morts, dont un aviateur français. Et qui a perpétré cet attentat ? Et c'est là où je voulais en venir. La branche libyenne de Daesh, l'État islamique, revendique cette attaque, comme elle a revendiqué la décapitation de 21 coptes égyptiens kidnappés dans la ville de Sirte. Daesh qui est donc très présent en Libye. Oui, les djihadistes se sont même rendus maîtres d'une ville entière de 100 000 habitants, Derna, sur le littoral oriental du pays. Ouais, donc très loin de leurs fiefs irakiens et syriens. Et il est à craindre que les djihadistes n'essaient de mettre la main sur d'autres territoires. En tout cas, cette implantation des barbares de Daesh illustre l'état de désagrégation que connaît la Libye aujourd'hui. Oui, vous m'avez dit dans notre dernier entretien que ce désordre relevait de la précipitation avec laquelle on avait voulu chasser le dictateur libyen. Et sans penser un seul instant à l'après-Kadhafi. Pour une bonne et simple raison, ceux qui ont déclenché les opérations militaires contre le pouvoir totalitaire et sanguinaire du guide, il a quand même fallu 8 mois pour en venir à... Ce qui montre que Kadhafi était loin d'être isolé. En effet. Enfin, je reprends. Ceux-là ne connaissaient rien à la Libye. Ils imaginaient même une transition pacifique à la tunisienne, car, pensaient-ils, s'il existait là-bas des musulmans intégristes, il y avait en face des libéraux, des laïcs qu'il convenait de soutenir. Une illusion. Bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Car après 40 ans d'une féroce dictature qui avait mis autoritairement sous le boisseau toutes les oppositions, les rivalités internes, les lignes de fracture anciennes sont réapparues. Ce qui explique le chaos actuel. Oui, alors revenons tout petit peu en arrière. Rassurez-vous, pas trop loin. Et pardonnez-moi si je me répète, puisque nous avons déjà consacré un long entretien à la Libye il n'y a pas si longtemps. En 2012, les armes s'étant tues, les Libyens sont face à eux-mêmes, si j'ose dire. Et grosso modo, dans la perspective des futures élections, deux forces s'affrontent. Ceux qu'on présente à tort comme des libéraux, d'abord. Ils plaident pour la fondation d'un régime démocratique ouvert et l'instauration d'une économie de marché. Ils sont déjà représentés au sein du CNT. Le Comité National de Transition, un organisme qui a dirigé ou, à tout le moins, coordonné les actions des révolutionnaires. Mais problème, ces gens ne sont pas très populaires. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont généralement considérés comme des opportunistes qui ont pris le train de la révolution au dernier moment. Et qui, en outre, étaient souvent des exilés. Ouais. Et en face, alors, quelle autre force ? Le groupe des islamistes, où l'on trouve pêle-mêle des djihadistes, des salafistes et des proches des frères musulmans. Mais ce qui compte surtout, c'est que ce rassemblement hétéroclite regroupe l'essentiel des milices armées. Donc, il représente une force armée importante. Donc. L'enjeu de ce premier scrutin est par conséquent considérable. Mais le résultat est en trompe-l'œil. Parce que si, au sein du Congrès national général, le nom de cette assemblée élue, c'est l'Alliance libérale qui l'emporte sur le parti des frères musulmans, elle se donne aussitôt pour président un islamiste modéré, Mohamed Megharieff, alors que son parti n'a obtenu que 3 sièges aux législatives. Puis en septembre, c'est Mustapha Aboushagour qui est nommé Premier ministre. Et qui est celui-là ? C'est un intellectuel, un chercheur qui a quitté la Libye en 1980 et a fait toute sa carrière dans les États du Golfe et n'est revenu dans sa patrie qu'en 2011. Mais un mois plus tard, il est remplacé par Ali Zeidane, l'un des membres du CNT, un diplomate qui appartient donc en principe au camp des libéraux. Ce qui ne l'empêche pas de déclarer d'emblée qu'il se conformerait à la charia et que l'islam resterait la source de son inspiration. Ce qui montre que cette épithète libérale est toute relative. C'est incontestable. Et nombreux ont été ceux qui ont été abusés. À commencer par les élateurs occidentaux de la révolution libyenne. Mais enfin, passons. D'autre part, il apparaît que ces premières élections n'ont rien réglé. Les rivalités locales ou tribales l'emportent sur le clivage artificiel entre islamistes et libéraux. Et ça, ça n'augure rien de bon. Et d'autant que certaines régions s'estiment mal représentées au sein du CNG, le Congrès National Général. C'est le cas en particulier de la Cyrénaïque, alors qu'elle est à l'origine géographique de l'insurrection. Et nouveau facteur de discorde. Oui. Dans ces conditions, la rédaction de la future constitution, qui doit, en principe, être la principale tâche de l'Assemblée élue en 2012, s'avère singulièrement ardue, car une nouvelle ligne de fracture est apparue. À l'occasion de la discussion à la fin 2012 d'un projet de loi qui doit décider de l'ampleur que prendra l'épuration des anciens du régime kadhafiste dans les rangs de l'administration. Ouais, alors il faut donc choisir entre la revanche ou la réconciliation. C'est ça. Et les partisans de la réconciliation mettent en avant le désastreux exemple irakien. D'ailleurs, la purge à l'initiative des Américains de tout les fonctionnaires et militaires d'obédience sunnite qui servaient sous Saddam Hussein. Et à leur place, on a promu des chiites. Oui, qui avaient longtemps été soumis par le pouvoir baasiste. Mais ces hommes étaient dépourvus d'expérience. Et c'est l'une des raisons qui a entraîné l'Irak vers l'anarchie qui prévaut toujours aujourd'hui dans ce pays. On l'a vu quand l'armée irakienne a été balayée par les troupes de l'État islamique. Donc l'Irak, c'est un contre-exemple. Oui, mais les représentants des milices, eux, exigent l'épuration. Mais pourquoi ? Parce qu'en expurgeant les institutions, et donc en éliminant tous ceux qui se sont compromis avec la dictature, et parmi eux, il y a les révolutionnaires de la dernière heure, les milices entendent faire place nette à l'Assemblée, et par conséquent s'emparer à terme du pouvoir en provoquant de nouvelles élections. Là. C'est donc l'épreuve de force. Et les anciens insurgés, ceux qu'on appelle les Tiwars, ne manquent jamais d'exprimer leur mécontentement et de faire étalage de leur puissance. Régulièrement, ils font le siège de certaines administrations avec leurs pick-up hérissés de mitrailleuses ou de canons antiaériens. Le bureau du Premier ministre, le Parlement ou encore le ministère des Affaires étrangères, censé être un repère d'anciens du régime Kadhafi, sont visés et même provisoirement occupés. Est-ce que ces miliciens obtiennent des résultats ? Fin mai 2013, ils réussissent à pousser le président du Parlement à la démission et le menacent même de bannissement car la loi d'exclusion a été votée. La loi d'exclusion, c'est la mise en place de l'épuration. Oui. Il est désormais interdit à tout individu ayant collaboré avec l'appareil administratif kadhafiste de travailler pour les nouvelles institutions, ce qui affaiblit encore plus le gouvernement central, si tant est qu'il ait existé. Ouais. Ce sont donc les milices qui font la loi. Des bandes armées formées de gens qui, en principe, ont activement participé à l'insurrection. Mais n'ont pas rendu leurs armes. De la même façon, pour la plupart, ils refusent d'être incorporés dans la police qu'ils jugent infestée de kadhafistes. Autre caractéristique. Certaines de ces milices sont de petites armées et jouent un rôle démesuré, comme celle de Misrata ou de Zintan, par exemple. Ce sont donc des micro-États dans l'État. Et le pouvoir central échoue à les contrôler ou à les intégrer. Même quand leurs membres sont incorporés dans l'armée ou la police, ils continuent à n'obéir qu'à leur chef. Et si leur chef le leur demande, ces tuyaux peuvent s'attaquer aux institutions de l'État et à ses représentants. Ouais. Et qu'en est-il alors de la pénétration islamiste dans ces milices? Elle est variable. Globalement, l'islamisme inspire la plupart d'entre elles, même celles qu'on a prétendues libérales ou laïques. Il faut néanmoins observer qu'à l'Est, la Cyrénaïque, aujourd'hui tentée par le séparatisme, a toujours été historiquement influencée par le salafisme. Donc, les milices qui s'y trouvent sont parfois composées de djihadistes purs et durs, prêchant le califat mondial sur le modèle d'Al-Qaïda ou aujourd'hui le Daesh. Ce sont ces groupes qui ont mené des attaques contre des objectifs occidentaux ou des mausolées soufis. Ouais, ce qui ne serait pas conforme à la pureté de l'islam, comme au Mali, au fond, à Tombouctou. Hein. Exactement. Ces groupes salafistes, tels que la milice Ansar al-Sharia, sont issus d'une nouvelle génération et rassemblent des combattants bien armés et aguerris, dont certains ont fait leurs armes dans les maquis d'Irak et d'Afghanistan, avant de rejoindre l'insurrection dès février 2011. Ils ont été de tous les combats jusqu'à la chute de Sirte. Ouais. C'est cette milice, la Ansar al-Sharia, qui a été accusée d'avoir fomenté l'attentat contre le consulat états-unien de Benghazi. Hein. Et devant l'hostilité des habitants, ces militants ont été provisoirement expulsés de leur caserne de Benghazi. Mais ils sont revenus. Cependant, c'est l'irruption d'un nouveau personnage qui va changer la donne, et même complètement bouleverser une situation déjà quasi inextricable. Un mot avant d'en venir au bouleversement annoncé par M. X. Et à nouveau, je fais appel aux lumières du meilleur spécialiste de la question, l'ancien diplomate Patrick Mzadeh. Extrait d'un article paru dans l'excellente revue en ligne Orient 21 de mars 2014. La prédominance du local sur le régional et du régional sur le national, héritage de l'histoire libyenne qui a tant dérouté les stratèges de l'OTAN durant la guerre de 2011, est en revanche une clé de lecture essentielle de la reconstruction nationale. Dans ce contexte extrêmement fragmenté et en l'absence de pouvoir central et d'appareil d'État, la question récurrente « qui gouverne la Libye ?» ne fait pas réellement sens. Si les chaînes hiérarchiques classiques d'un État, du gouvernement central aux instances locales, signifiaient peu de choses sous Muammar Kadhafi, c'est encore plus vrai dans la Libye d'aujourd'hui. Alors ce nouveau venu, c'est le général Khalifa Haftar, un ancien de l'armée libyenne. En février 2014, il proclame dans une vidéo la suspension des institutions de transition. Mais ça se traduit par un vrai flop. Ce personnage qui voudrait être un De Gaulle ou un autre maréchal Sissi. Sissi, l'Égyptien. Hein, c'est ça. Donc après cette première tentative de coup d'État manquée, il n'est pas décidé à en rester là. Avant de poursuivre, quelques informations sur ce général. D'où vient-il ? Haftar, qui a aujourd'hui 71 ans, a été l'un de ces jeunes officiers qui ont renversé le roi en 1969 et donc porté Kadhafi au pouvoir. Oui, donc très proche du dictateur. En effet. En 1987, il commande le corps expéditionnaire libyen au Tchad. Oui, lorsque Kadhafi voulait s'emparer de la bande d'Aouzou au nord du Tchad. Oui, mais Haftar est capturé par les forces tchadiennes. Il est alors renié par Kadhafi. Les Américains, qui n'ont jamais renoncé à essayer de renverser le guide libyen ou même à l'éliminer physiquement, ont déjà repéré le général prisonnier et ils obtiennent de le récupérer. Haftar sera donc conduit aux États-Unis. Avec quelques-uns des hommes qui combattaient sous ses ordres. L'idée, c'est de constituer une petite force armée capable, le moment venu, de combattre l'armée de Kadhafi. Ces militaires sont donc entraînés par les services états-uniens, mais en vain, et d'abord parce qu'ils sont trop peu nombreux. Quelques centaines tout au plus. Donc les Américains renoncent à cette idée. Oui, mais Haftar est gardé au chaud. Pendant 20 ans, il réside en Virginie, près du QG de la CIA à l'anglais. Mais au cas où. Exactement. Mais il faut quand même attendre 2011 et le début de la révolution. Hein. Dès le mois de mars, il est de retour en Libye et le CNT, le Comité National de Transition, le nomme chef des forces terrestres. Mais après le vote au Parlement de la loi excluant du pouvoir tout responsable ayant servi sous Kadhafi, Haftar se retrouve très isolé. Il se replie alors sur sa ville natale de Benghazi. Mais considéré comme un suppôt des Américains, il devient vite la bête noire des milices islamistes. Ouais, et que peut-il faire ? Eh ben, il fait comme les autres, hein. Il monte sa propre milice. Et prestige aidant, on se bouscule pour en faire partie. D'autant que le général rétribue généreusement ses recrues. Ah oui, avec quel argent ? Ah ben ça, c'est autre chose, hein. Il n'est pas exclu que ses anciens protecteurs états-uniens aient mis la main au porte-monnaie. Mais on peut aussi imaginer que la milice d'Haftar, à l'instar de toutes les autres, se paye sur la bête, c'est-à-dire en taxant l'économie locale ou en s'appropriant une partie de la rente pétrolière. Car les terminaux pétroliers du golfe de Sirte sont aux mains des milices de la Cyrénaïque depuis la fin août 2013. Ouais, la Cyrénaïque dont Benghazi, il faut le rappeler, la capitale. En tout cas, Haftar, à la différence des milices existantes, veut constituer une force armée cohérente et professionnelle, en rassemblant en particulier des anciens de l'armée de Kadhafi. Autant de gens qui peuvent en profiter pour se refaire une virginité. Oui, en faisant oublier leur passé kadhafiste. Bien sûr. Et ça commence plutôt bien pour Haftar. À Benghazi, où existe désormais un gouvernement autoproclamé, celui-ci lui apporte son soutien. Conséquence, à Tripoli, le premier ministre Zedane lance un mandat d'arrêt contre le général. Mais à peine l'a-t-il fait que sous le coup d'une motion de défiance, il doit bientôt fuir la Libye. Ouais, à Tripoli, ça se complique. Oui, le Parlement, le Congrès général national, vit alors sous la pression des milices qui estiment disposer d'une vraie légitimité révolutionnaire. Je ne veux pas compliquer à l'excès, mais pour simplifier, il existe maintenant dans la capitale libyenne trois coalition rivale. La plus importante, c'est le bloc de la fidélité au sang des martyrs. Une appellation très emblématique. Et même menaçante. Ce groupe s'appuie sur les 20 000 hommes des milices de Misrata. Oui, c'est une ville qui a résisté de façon héroïque aux assauts des troupes de Kadhafi. Et le deuxième groupe ? Eh bien, il est formé par les frères musulmans libyens sous le nom de Parti pour la justice et la reconstruction. Et enfin, il y a le troisième, l'Alliance des forces nationales, les prétendus libéraux. Eux ne se réclament pas de l'islam politique, mais s'appuient sur deux puissantes milices originaires de Zintan. Ça, c'est la ville où est détenu Saïf, le fils de Kadhafi. Un prisonnier que les miliciens de Zintan refusent obstinément de livrer à Tripoli ou à la Cour pénale internationale. Ouais. Donc cette assemblée-là, le CNG, c'est ça, est condamnée à l'immobilité. Et aussi le gouvernement dont il est issu. C'est vrai. Toutefois, il existe une sorte de coexistence pacifique entre tous ces gens. Mais en mai 2014, le général Haftar va bousculer ce fragile équilibre. À la tête de ses troupes, qu'il a baptisées l'armée nationale libyenne, il lance l'opération Dignité. Dignité, de quoi s'agit-il ? Haftar veut éradiquer les milices islamistes. Et d'abord celles qui se trouvent au plus près de son QG de Benghazi, comme Ansar al-Sharia ou encore la brigade du 17 février. Ah oui, c'est cette brigade dont on avait parlé la semaine passée, hein, qui serait responsable du meurtre du français Marzi Ali. C'est ça. Et l'initiative du général va avoir pour effet de redistribuer les cartes à l'échelle de toute la Libye. Et pas seulement en Cyrénaïque et à Benghazi, donc. En effet. On va assister à la création d'une véritable coalition anti-Haftar, où l'on retrouve les salafistes, les frères musulmans et les grandes milices historiques, à l'exception de celle de Zintan, traditionnellement rivale de son homologue de Misrata. Cette coalition prend le nom d'Aube de Libye, Fajar Libya en arabe. Ouais. Et elle est donc opposée au mouvement Dignité anti-islamiste du général Haftar. Qui rassemble de son côté des soldats de l'ancienne armée du guide, les séparatistes de Cyrénaïque, les milices de Zintan et des tout bouts de la région de Koufra. Et ça se traduit par des affrontements armés ? Ah, forcément. Et Haftar voudrait l'emporter avant les élections de la fin juin 2014, qui devraient renouveler ce CNG. Ouais, le Parlement qui siège à Tripoli. Hein. Mais Haftar, qui, je vous l'ai dit, voudrait imiter le maréchal Sissi, ne dispose pas comme ce dernier d'une armée nationale, même s'il a ainsi baptisé ses troupes. Il n'a pour le soutenir que des milices dont la fidélité est souvent douteuse. Mais qui peuvent être aisément retournées. Oui, ce qui se profile donc, c'est une véritable et longue guerre civile qui risque de faire de nombreuses victimes et de déchirer encore un peu plus la société libyenne. Concrètement, l'irruption du général Haftar dans le jeu libyen n'a fait qu'apporter encore plus de confusion en créant une nouvelle ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest, ou, comme certains le disent, entre les modernistes et les islamistes. Et à l'étranger, comment voit-on cela ? J'y viens dans un instant, mais je peux déjà vous dire qu'en Occident, on a tendance à souhaiter la victoire du général Haftar. Ça ne vous étonnera pas. Oui, c'est son combat contre les islamistes, bien sûr. Hein. Des islamistes qui ne sont pour lui ni plus ni moins que des terroristes. Oui. Mais vous avez parlé d'élections. Et comme prévu, elles ont lieu en juin 2014. Seuls 18% de Libyens se déplacent. C'est un quasi-boycott, quoi. Oui, on est loin de la ferveur des premières heures de la Révolution. Un Parlement élu par si peu de citoyens est dès l'origine assez peu crédible. D'autant que la situation trouble qui règne à Tripoli ne lui permet pas de siéger dans la capitale. Il est donc prévu qu'il s'installe à Benghazi, mais il finit par se réunir à Tobruk, dans une zone que contrôlent des milices pro-Haftar. Et il nomme un premier ministre, Abdallah Al-Thani. Donc les députés vont être soumis à l'influence du général Haftar. C'est évident. Cependant, à l'ouest, c'est-à-dire à Tripoli, les événements vont soudain s'accélérer. Saint-Père, Patrick Pénaud, à Rendez-vous avec X. Extrait d'un éditorial du Monde daté de mars 2014. Les terminaux de la côte orientale sont aux mains de groupes armés. L'un d'eux revendique une quasi-indépendance pour l'Est libyen. Décidé à vendre l'or noir pour son propre compte, il a réussi à affréter un pétrolier. C'est ce bâtiment que la marine américaine a intercepté le 17 mars au large de Chypre. Signe de l'invraisemblable chaos régnant dans le pays, les exportations pétrolières se sont effondrées. D'1,5 million de barils jour en 2011, elles sont passées à 235 000. Les investissements sont au point mort, la vie économique vitrifiée. Dans les grandes villes, l'insécurité atteint des records. Milices et bandes armées tiennent la rue, cocktail de grand banditisme et d'islamisme. Ironie amère de l'histoire, Londres, Paris et Washington déconseillent à leurs ressortissants de se rendre en Libye. Féroce, l'un des meilleurs spécialistes du Proche-Orient, le journaliste Patrick Cockburn, écrit « L'un des traits les plus stupéfiants des événements de Libye aujourd'hui » et le peu d'intérêt qu'il suscite de la part des pays qui partirent allègrement en guerre en 2011. À la mi-août 2014, les milices islamistes d'aube de la Libye s'emparent de Tripoli après 6 semaines de combats contre les tribus alliées au général Haftar. Et un nommé Omar al-Assi s'autoproclame chef d'un gouvernement islamiste. Établi à Tripoli, par conséquent. Et aussitôt, les ambassades occidentales sont évacuées. Fin juillet, des combats très violents opposent les forces du nouveau gouvernement aux milices de Zintane qui contrôlent l'aéroport depuis 2011. Des réservoirs d'essence sont touchés et un gigantesque incendie menace une partie de la capitale où en même temps on tire à l'arme lourde dans les rues. C'est la guerre civile que vous annonciez. Ça y ressemble, oui, car la situation politique devient illisible. Fin août, à l'est du pays, l'autre chef de gouvernement, Abdallah Al-Thani, rend son tablier tant il se sent impuissant face à la détérioration croissante que connaît son pays. Il présente sa démission. Mais comme personne ne veut assumer cette charge, le Parlement lui demande de former un nouveau gouvernement, désormais installé à Benghazi. Il existe donc maintenant, de facto, deux gouvernements. Celui de l'Est, inspiré par les fédéralistes et les pro-Haftar, et un gouvernement de salut national autoproclamé à Tripoli par les milices d'aube de Libye. Mais il existe aussi deux parlements. Car l'ancien, le CNG, est resté en place, puisque les maîtres de Tripoli ne reconnaissent pas la légitimité du nouveau, celui de Tobruk. Ouais. Et la communauté internationale, alors, lequel reconnaît-elle ? Sans grande surprise, les Français, les Britanniques et les Américains accordent leur faveur au Parlement de Tobruk, qui après tout est quand même issu d'une vraie consultation électorale, même si moins d'un cinquième des Libyens sont allés voter. Mais manifestement, la population libyenne ne se reconnaît pas dans ce Parlement qui a voté à la mi-août un appel à une intervention internationale à laquelle la majorité de la population libyenne est hostile. En dépit du chaos. Oui. La suite est donc sans véritable surprise. La guerre civile se poursuit. Quand arrive l'automne 2014, une bataille totale oppose ces deux camps irréductibles un peu trop hâtivement baptisés islamistes et libéraux. Ouais, islamistes à l'ouest et libéraux à l'est. Parce que des islamistes, il y en a dans les deux camps. Mais ça, vous l'avez compris. Le mouvement Dignité du général Haftar est par exemple soutenu par la milice de Zintane, qui ne l'a rejoint que parce qu'elle est opposée aux miliciens de Misrata. Donc toute classification est vaine et artificielle. C'est ce que pensent les vrais connaisseurs du pays. Car même la localisation géographique des deux camps est toute relative. Ainsi, l'aube de la Libye a des partisans à Benghazi, ces milices islamistes et même fondamentalistes que le général Haftar avait annoncé combattre en priorité. Enfin, poursuivons. En novembre 2014, cela fait déjà 6 mois que les combats sont engagés entre les deux factions. Et contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, c'est le camp des anti-Haftar qui a l'avantage. Il contrôle alors la quasi-totalité de la Tripolitaine et les trois plus grandes villes du pays. Et pourquoi est-ce étonnant ? Parce que l'aube de la Libye est un rassemblement hétéroclite qui regroupe pêle-mêle des frères musulmans, des islamistes et même des djihadistes. Oui, alors qu'en face, il y a d'anciens officiers de l'armée de Kadhafi. C'est ce qui étonne, effectivement. Les amateurs qui se sont formés depuis 2011 au fil des combats l'emportent sur les soldats de métier. Et les affrontements sont toujours plus violents et meurtriers. En décembre, la ville, déjà martyre de Misrata, subit plusieurs raids aériens. Et au cœur des luttes, les trois plus importants terminaux pétroliers du pays sont attaqués à la roquette. 8 réservoirs sont réduits en cendres. Mais il faut donc noter l'apparition d'un troisième larron. Je vois ce que vous voulez dire, la branche libyenne de Daesh, l'État islamique. Hein. Oui, déjà solidement implantée à Derna, elle entend jouer un rôle éminent dans le destin de la Libye. Et Daesh va certainement réussir à rallier les milices les plus extrémistes. Paradoxalement, ces terroristes sont devenus les alliés objectifs de Haftar, alors même que celui-ci s'est donné comme tâche d'éradiquer les terroristes libyens. Enfin, pour compliquer un peu plus la situation, il y a la question du sud libyen. Oui, la présence au cœur de cette région désertique d'autres terroristes, ceux d'ACMI. Hein. Al-Qaïda, au Maghreb islamique, oui. L'insurrection libyenne, puis l'intervention militaire occidentale en mettant à mal toutes les institutions étatiques, a non seulement abouti au pillage des arsenaux du pays, mais elle a permis à ACMI de disposer désormais d'une nouvelle base arrière. Ouais, le sud libyen est devenu un véritable sanctuaire du terrorisme. Comme il en existe en Somalie ou dans les zones tribales du Pakistan. Du temps de Kadhafi, qui craignait l'islamisme, les frontières du sud étaient surveillées par des avions de chasse et des patrouilles motorisées. Même de gigantesques champs de mines avaient été disposés afin de repousser d'éventuels intrus. Et c'était efficace ? Oui. Seuls quelques produits de contrebande destinés à la consommation locale pouvaient passer. Ouais. Et la fin de Kadhafi a donc signé l'arrêt de cette surveillance. Naturellement, puisqu'il n'y a plus d'État en Libye. Donc, ACMI s'est progressivement infiltré dans le sud du pays. C'est d'autant plus vrai qu'à partir de la fin 2012, certains éléments terroristes parmi les plus lucides, pressentant l'opération française à venir au Mali, avaient déjà trouvé refuge dans le sud libyen. Et ça a été le cas d'un homme dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Ah oui, Mokhtar Belmokhtar. Lui-même. Mmh. Il a déjà été repéré en Libye. Cela, bien sûr, suscite une vive inquiétude à Paris. Et les militaires français engagés dans l'opération française, dans le Sahel... L'opération Serval devenue Barkhane. Hein, oui, donc ces militaires brûlent d'entrer en Libye pour attaquer ce nouveau sanctuaire d'ACMI. Et leur ministre, Jean-Yves Le Drian, n'est pas loin de partager cet avis. Mais il l'a d'ailleurs exprimé publiquement. Hein. Et je ne sais plus où j'ai lu que dans son bureau de l'hôtel de Brienne, il a épinglé au mur une carte sur laquelle sont délimitées les zones libyennes où l'armée pourrait intervenir. Il faut ajouter que les présidents tchadiens et nigériens ont aussi plaidé pour une intervention en Libye. Mais leurs pays ont des frontières communes avec la Libye. Et ils se sentent menacés. Le tchadien Déby, un ex-grand ami de Kadhafi, entre parenthèses, l'a dit sans détour. Les Occidentaux doivent assurer le service après-vente après leur intervention de 2011. Et finir le travail, comme aurait dit George Bush. Absolument. Hein. Et à Paris, on ne peut pas négliger son avis, car son armée, une des plus compétentes du continent, fournit un grand coup de main à l'opération française dans le Sahel. Il faut encore ajouter que d'autres pays de la région se sont officiellement alignés sur cette position. La Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso, tous associés au dispositif antiterroriste Barkhane. Ils ont même appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à la mise en place, avec l'Union africaine, d'une force internationale destinée à intervenir. Oui. Et les Algériens, eux aussi, ont une frontière commune avec la Libye. Selon un journaliste algérien très bien informé, l'armée algérienne aurait déjà franchi cette frontière pour contrer des groupes terroristes d'ACMI. 3500 paras et un groupe de soutien et d'appui logistique de 1500 hommes auraient participé à cette action. Mais, bien entendu, comme d'habitude, Alger a démenti, tout comme Paris a nié l'appui qu'il apporterait à ces opérations algériennes en Libye destinées à sécuriser les frontières. Et à votre avis, alors, est-ce qu'une intervention militaire de la France et de ses alliés hein, est possible, sinon souhaitable ? Possible, certainement. Même si je pense que la France, déjà très engagée ailleurs, ne se lancera pas dans l'aventure. Souhaitable ? Non. Au moins tant qu'aucun accord entre les acteurs politiques libyens ne sera trouvé. Car il faut avant tout éviter les erreurs de 2011. une intervention devrait être accompagnée de la mise en place d'un vaste plan visant à créer des institutions stables et à désarmer les milices. Et cela, la France seule ne peut y arriver. Et les États-Unis alors ? Pour l'instant, ils ont laissé la main à la France. D'autant qu'ils ont connu une expérience malheureuse en 2012. Ils avaient entrepris de réaménager une base militaire libyenne et d'y envoyer des bérets verts pour former une force spéciale libyenne de contre-terrorisme. Or, moins de 2 ans plus tard, ce camp se retrouve sous le commandement d'un djihadiste, qui est aussi un ancien proche de Ben Laden. Et bien sûr, les miliciens qui ont pris d'assaut le camp se sont emparés du matériel sophistiqué que les Américains y avaient envoyé. Ouais, ça les a refroidis. C'est évident. Je dois ajouter, mais je n'ai pas le temps de développer, que d'autres pays s'intéressent beaucoup à la situation actuelle de la Libye. Mais lesquels ? D'abord l'Égypte, associée aux Émirats Arabes Unis, avant même le raid aérien sur les positions de Daesh à Derna, destinée à venger l'assassinat des Coptes. Le Caire a déjà bombardé Tripoli en août 2014, mais sans l'avouer. Ouais. Ces interventions-là, c'est parce que l'Égypte craint la contagion. Et les flux d'armes à travers une frontière très poreuse, oui. Des matériels militaires qui pourraient être livrés aux islamistes qui sèment déjà la terreur dans le Sinaï. Donc l'Égypte serait plutôt disposée à venir en aide au corps du général Haftar. Tandis qu'une autre monarchie du Golfe, décidément bien remuante, le Qatar, soutiendrait plutôt l'aube de la Libye, en raison de la présence en son sein des frères musulmans. Il y a dans ces immixtions internationales, plus ou moins clandestines, des raisons de douter de l'efficacité des efforts de l'émissaire spécial de l'ONU en Libye, qui s'efforce contre vents et marées de relancer le dialogue politique entre les belligérants. Cette émission a été réalisée par François Audouin, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Denant, qui a lu aujourd'hui un livre. Oui, un livre très instructif sur Daesh, désormais bien implanté en Libye, comme on vient de le voir. L'auteur Pierre-Jean Luisard, excellent connaisseur du Moyen-Orient, revient sur le succès fulgurant du mouvement en Irak puis en Syrie. Il décortique très bien l'effet boomerang de l'histoire, celle d'hier avec l'occupation américaine en Irak et les printemps arabes, mais aussi l'histoire plus ancienne avec la genèse de ces pays créés sous l'égide des mandats français et britanniques. Son titre, Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, et c'est paru à la découverte. Merci Rebecca, vous pourrez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain et tout de suite après le flash et au deux mon amour de Denis Chessoux.